Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 2 février 2019. Voici les grands titres de cette édition. Des jeunes venus de toutes les zones de la mairie de Bujumbura se sont rassemblés ce samedi à la place de l'Indépendance en signe d'unité de la jeunesse à quelques jours de la célébration de la charte de l'unité nationale. Ce sera ce mardi prochain. Et les députés de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine promettent aux commerçants utilisant le port d'Ourmangé de revoir les frais d'accostage des bateaux qui ne viennent plus en grand nombre en provenance de la Tanzanie. Et les syndicats des infirmiers dénoncent une tentative de division de leur organisation à travers la création d'autres syndicats par les responsables sanitaires. Un des responsables du site historique de Guichora nous expliquera le rôle respectif de certains tambours sacrés. Et à la fin de ce journal, vous aurez droit à la revue de presse. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine a reçu le rapport du facilitateur dans la crise burundaise. Dans un communiqué marquant l'issue de ce sommet, qui s'est tenu ce 1er février à Arusha, en Tanzanie, ces chefs d'État ont remercié Benjamin Mkapa pour le travail accompli. Ce sommet a décidé la poursuite des consultations dans le processus de dialogue inter-burundais. Et au cours de ce sommet, le président rwandais Paul Kagame a été désigné comme président de la communauté est-africaine en remplacement du président ougandais Yoweri Museveni. Je vous le disais dans les titres, des jeunes venant de tous les coins de la capitale Bujumbura se sont rassemblés à la place de l'Indépendance ce samedi pour montrer que l'unité nationale est nécessaire même au sein de la jeunesse. C'est ce qui a été dit par le maire de la ville de Bujumbura. Un des initiateurs de cette activité, Freddy Bonima, affirme que cette fête de la jeunesse de Bujumbura n'a rien de propagande politique. Je vous propose de l'écouter, il était au micro d'Evariste Nzikobanyanga. Nous célébrons bientôt le 5 février, le 28e anniversaire de l'unité nationale, mais nous avons voulu associer la jeunesse, étant donné que dans les discours, comme à l'accoutumée, on ne voit pas la jeunesse impliquée. Alors nous nous sommes entretenus et nous avons décidé que cette fois-là, les jeunes eux-mêmes vivent l'unité, donnent l'exemple, participent dans ce jour. Donc c'est vraiment extraordinaire, c'est un sentiment de satisfaction de voir maintenant qu'aussi au niveau de la ville de Bujumbura qui a connu des problèmes avec la jeunesse, mais cette fois-ci ils ont pris la main, les choses en main, c'est vraiment une très bonne chose. Et je voudrais quand même lancer un appel à des gens ou à des tracteurs. Aujourd'hui c'est la jeunesse confondue, c'est la jeunesse appartenant à différentes associations que nous travaillons ensemble. Donc il n'y a pas une connotation politique. Nous sommes ensemble en dansant, en chantant avec 28 danseurs, 28 tambourinés, avec 28 colombes qu'on va lancer, symbole de l'unité. Honorable Freddy Mbonima, c'est le maire de la ville de Bujumbura. Notez que mardi, le 5 février 2019, les Burundais célèbrent le 28e anniversaire de la charte de l'unité nationale. Et les syndicats SINAPA et SNTS dénoncent ce qu'ils qualifient de violation de la liberté syndicale. Dans une conférence de presse de ce samedi, les représentants de ces organisations syndicales au niveau national ont indiqué que certains responsables sanitaires veulent semer des divisions au sein de ces syndicats en créant d'autres. Mélansa Kizimana, président du SINAPA, demande à l'Ordre des médecins de suivre de près cette question. On l'écoute. Même si certains médecins directeurs des provinces et médecins chefs de district sanitaire, ainsi que les médecins directeurs des hôpitaux, ont violé la loi en s'investissant dans la logique d'emprisonner le personnel du secteur de la santé dans un cachot appelé Synapse, ils se sont heurtés contre un mur construit par un personnel de la santé soudé, caractérisé par des valeurs de solidarité, de liberté, d'indépendance, d'autonomie et de dignité. Presque l'ensemble du personnel, tant syndiqué que non syndiqué, a rejeté le projet en criant au scandale malgré les multiples tentatives d'achat de leur conscience. Qu'il n'accepte jamais celui ou celle qui tentera de le conduire dans une voie hors la loi. De notre part, en tant que représentants nationaux, nous réaffirmons encore une fois que nous resterons toujours fidèles envers l'ensemble du personnel, sans distinction aucune. Chers collègues, chers camarades, les concepteurs de ce projet n'ont autre mission de cacher délibérément les marginalisations et les injustices sociales qu'ils opèrent au grand jour et veulent nous enfermer dans le cachot où personne ne va plus parler. C'est quand même scandaleux de constater que ce sont les directeurs des départements, projets et programmes de santé, les directeurs des provinces sanitaires, les chefs des districts sanitaires, les directeurs des hôpitaux qui ont tenté de semer la cisanie en créant un climat malsain au sein du personnel sous les responsabilités qui veulent couvrir les bavures qui se commettent ici et là dans un pays où la politique de tolérance zéro a été proclamée. Mélance Akizimana, président du SINAPA. Et quant à la question de savoir si ces syndicats ne seraient pas contre la naissance d'un nouveau syndicat dénommé SINAPS, Mélance Akizimana éclaire que les procédures légales soient respectées. On n'a pas appelé le troisième syndicat. Seulement, on ne va pas accepter un syndicat créé d'une façon irrégulière. Nous sommes partisans du respect de la loi. Nous voulons que tout syndicat qui va naître naisse dans des conditions telles que prescrites par la loi en matière de la création des organisations des travailleurs. Je ne pense pas que ce qui fait percer le monde de fonctionnement. Non. Son mode, la façon dont il a été mis en place, la façon dont il a été créé. Il n'y a jamais eu de réunion en Assemblée générale des travailleurs qui mettent ensemble son syndicat. Mais les employeurs se sont réunis et ont décidé de créer un syndicat pour asphyxier les syndicats du secteur de la santé actuellement actifs. C'est pourquoi on n'a pas peur du troisième syndicat, même si ça serait la énième syndicat, qu'il soit bienvenu, mais qu'il soit créé dans le respect de la loi. Mélance Akizimana, c'est le président du syndicat SINAPA. La quantité de marchandises qui entrent au Burundi en provenance de la Tanzanie a sensiblement chuté suite aux frais d'accostage des bateaux exigés au port commercial de Rumonge, selon certains des commerçants exerçant dans ce port. Au cours de leur descente dans ce port ce samedi, les députés de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine ont promis de plaider en faveur de ces commerçants. Jean-Pierre Misago pour les détails. Selon Vincent Nakirutimana, alias BBC, un des commerçants burundais qui s'approvisionne en marchandises à partir de la Tanzanie, un pays membre de la communauté est-africaine comme le Burundi, les petits bateaux de transport qui étaient les plus nombreux à approvisionner le port de Rumonge en marchandises provenant de la Tanzanie ont changé de point de vente depuis bientôt 2 ans. Ce commerçant burundais fait savoir que ces bateaux tanzaniens approvisionnent actuellement le port d'Uvira en République démocratique du Congo, non membre de la communauté est-africaine, estimant trop élevé les 227 $ américains représentant les frais d'accostage à chaque bateau tanzanien. Au moment où les petits bateaux congolais paient seulement $65 américains comme frais d'accostage, les commerçants burundais demandent que ce problème soit vidé afin de permettre aux commerçants burundais de s'approvisionner à ce port en poisson, en maïs et en haricots comme avant. Un agent de l'autorité maritime présent sur place s'est déclaré inapte d'expliquer cette différence entre ces frais d'accostage. De son côté, la députée Léontine Nzeimana, qui conduisait une délégation de députés burundais de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine en visite au port commercial de Rumonge, a déclaré être elle aussi inquiétée par le recul du commerce transfrontalier entre le Burundi et la Tanzanie, tous membres de la communauté est-africaine, et promet de soumettre cette question à l'autorité compétente. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et l'installation des cantines scolaires à l'école Espoir de Nyangungu en commune Moutao de la province Gitega explique l'augmentation des effectifs des élèves batois à cette école. Comme le confirme Mounet Zéro Béatrice, chargée des activités à cette école, et certains parents d'élèves demandent qu'une université y soit implantée du fait qu'ils n'ont pas les moyens de les envoyer poursuivre leurs études dans des universités éloignées de leur famille. Arthur Kavabouchi. Cette école de l'espoir a été créée en 2001 et en est à sa 16e année et compte des élèves batois et ceux d'autres ethnies. Selon Mounet Zéro Béatrice, chargée des activités à cette école, ils ont rencontré certains problèmes comme les abandons, ce qui manque du matériel, les maladies, la pauvreté, la discrimination de la part d'autres élèves non batois. Mounet Zéro Béatrice indique que comme solution à ces problèmes, ils ont tenu des réunions à l'endroit des parents et à l'endroit des élèves. Ce qui a fait que la situation change, c'est l'appui des ONG comme le Comité Central et des Mélanites, le Christian Aid et la Foundation for Hope in Africa qui ont constaté que les maladies sont dues à la mauvaise alimentation, ce qui a fait que parmi la nourriture, il y a la viande de poule et de dindon. Cela a alors permis que les élèves restent à l'école pour continuer les cours dans l'après-midi. Cette responsable affirme que l'installation de cette cantine scolaire est à l'origine de l'augmentation des effectifs d'élèves batois à cette école et même les parents pauvres ont vu qu'il y a une valeur ajoutée. Actuellement, ils ne s'absentent plus et n'abandonnent pas. Et il y en a qui sont à l'université et ceux qui vont passer l'examen d'État cette année. Bichoko et Salvatore Amoutoua, parents, demandent qu'une université soit implantée à cette colline Nyangungu du fait qu'ils n'ont pas les moyens de les envoyer poursuivre le cursus académique dans les autres provinces car les universités sont éloignées des familles. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Éducation toujours avec ses parents de la colline Vogizon en commune Motimbouzi de la province de Bujumbura qui se plaignent de la carence des écoles fondamentales proches de cette localité. Ils expliquent que leurs enfants parcourent de longues distances, par exemple 8 km, pour accéder à la seule école se trouvant au centre de Gatumba, raison pour laquelle ceux-ci se retrouvent dans l'incapacité de réviser leurs notes. Ses parents ajoutent qu'il y a des enfants qui ont déjà abandonné l'école suite à la fatigue. Reportage Vestine Otoy. Ses parents résidant à la sous-colline Samariro de la colline Vogizo se plaignent de l'indisponibilité des écoles fondamentales proches de cet endroit. Celle-ci est l'une d'entre eux. Ici, chez nous, nous n'avons pas d'école fondamentale, c'est-à-dire de la 7e année à la 9e année. Une autre femme dit que l'école fondamentale, plus ou moins proche de cette localité, se trouve à 8 km. Pour accéder à cette école, on effectue 8 km. Certains élèves fatigués par cette distance, y compris mon enfant, ont déjà abandonné l'école. Il ajoute que l'horaire de la dite école ne favorise pas les élèves qui viennent de loin, car l'heure d'études matinale est de 6h30. Si on se réveille 6h du matin, on constate qu'il est encore très tôt. La semaine passée, il y a un enfant qui aurait risqué de se créer un problème avec un camp militaire qui est là, car c'était encore très tôt. Comme parents, nous nous demandons comment ces enfants vont continuer leurs études. Le chef de cette colline Vugizo, Félix Bukuru, évoque le danger que courent ces filles obligées de se réveiller très tôt et qui empruntent le chemin passant par les forêts. Il est presque impossible d'arriver à temps si on habite ici à Vugizo parce que c'est une longue distance. Passant par les forêts, ça serait dangereux pour deux ou trois filles d'y passer très tôt en allant à l'école. En outre, suite à cette longue distance, cette femme considère que cela pourrait être la cause de l'échec. Ils n'auront plus de connaissances suffisantes car ils n'arrivent pas à temps dans l'étude matinale. En plus, ils retournent à la maison étant fatigués, ce qui les empêche de réviser leurs notes. En collaboration avec les résidents de cette localité, le chef de la colline Vugizo, Félix Bukuru, compte engager un programme de fabrication des briques cuites qui vont servir dans la construction des classes fondamentales et demande aux autorités habilitées de leur venir en aide. Merci Vestine. On parle maintenant culture et on vous parle des tambours sacrés royaux avec leur rôle respectif. Ces tambours s'appellent Ruchiteme, Murimigwa, Karienda et Rukinzo. C'était des tambours sacrés royaux du Burundi ancien. Le tambour Kinzo se jouait au réveil du roi. Karyenda symbolisait le royaume à l'image du drapeau national. Et les deux tambours Chitemi et Murimigwa se jouaient seulement une fois l'année à la fête de semences qu'on appelait Umuganuro. Et ces deux tambours quittaient le palais royal de Gishora jusqu'à Muramvya. Et après la fête, ces tambours retournaient à Gishora, comme l'explique un des responsables du site historique de Gishora, Chimirimana Oscar. Et c'est dans ce reportage de Christian Savier. L'Uchiteme, Murimigwa, Kagenda et Rukinzo étaient des tambours sacrés de fonction très importante, surtout à la cour royale. Les deux premiers quittaient la cour royale de Gishora pour Muramvya à la fête de Rumuganuro, comme nous le dit Oscar Chimirimana, un des responsables du site de Gishora. Kuko izongo mazibiri, Kagenda, yaring hakuja bavuga idarapo, niyo yagenda nirumwami. Les deux tambours jouent des rôles très importants. Kagenda était le drapeau national et Rukinzo se jouait au réveil des rois. Baragenda, izongoma barazizana, Kagenda na Rukinzo. Quand le roi Mwezi Gisabo gagne la bataille contre ses ennemis, nous sommes en 1903, il envoya ses guerriers, les Badasigana, à Muramvya pour accomplir une mission. Les guerriers du roi sont retournés à Muramvya et ont amené deux vaches, Luchiteme et Murimigwa, qu'on a abattu et à partir de leur peau, on a fabriqué des tambours qui ont porté le nom de ces deux vaches. Avant d'abattre ces deux vaches, Luchiteme et Murimigwa, elles avaient des grands privilèges et étaient très bien entretenues. Les deux vaches, à partir de cœur, leur peau ont servi pour fabriquer ces deux tambours. De leur vivant, étaient très bien entretenus. L'Uchiteme, qui était un taureau, avait le privilège de brouter sans être surveillé et pouvait même consommer des champs toutes entières sans être inquiété. Ces deux vaches ont servi pour construire deux tambours sacrés qui portent le même nom. Ces deux tambours, Luchiteme et Murimigwa, se jouaient une fois l'année seulement à la fête de semailles, au Muganuro, quand les rois bénissaient les semences en décembre. Après la fête de ces deux tambours, devraient immédiatement retourner à Gishora. Comment est né le premier tambour au Burundi? C'est samedi prochain. Merci Christian Savier, le rendez-vous est pris. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal qui a été mis en onde par Albert Ndouayo. Léonce Vitaliho me rejoint tout de suite pour la revue de presse. Jean Bosco, Douimane. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Le journal Iwachu écrit sur le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine le 1er février à Arusha en Tanzanie, avec une interrogation à sa page d'accueil: quel destin pour le Burundi? C'est un sommet de toutes les attentes et des spéculations sur la question du Burundi, écrit l'hebdomadaire. Déjà à la veille de sa tenue, deux positions se dégagent au niveau de l'opposition. Pour une partie, il faut prendre le taureau par les cornes. À deux jours de la rencontre, huit partis politiques de l'opposition ont adressé une lettre au médiateur dans le conflit burundais et président en exercice de l'EAC, Yoweri Museveni. Il la motive laconiquement. Un appel pour une action urgente afin d'éviter une guerre civile au Burundi. Il demande des sanctions drastiques contre le pouvoir en place pour, disent-ils, épargner le Burundi de cette dangereuse guerre fratricide. Une autre partie estime que l'EAC a échoué sur toute la ligne. C'est un sommet de plus qui ne changera pas d'un iota l'intransigeance de Bujumbura. Pour eux, la médiation veut que l'on entende le rapport de la facilitation et Bujumbura refuse. Il veut plutôt que l'on étudie les mauvaises relations diplomatiques tendues avec Kigali. Il semble pour eux que la médiation serait en train de céder. Et si ça coince déjà à ce niveau, que peut-on attendre de ce énième sommet? Notre confrère s'interroge avant d'écrire, je cite, « Le peuple se libérera lui-même ». Iwachu écrit également sur une partie d'Okinanira 2, en zone urbaine de Musaga, qui est au bord du gouffre. Des habitations, des infrastructures publiques et privées sont menacées par un ravin. C'est à Kibeho, appelé communément Tchétchénie. Un caniveau, à force de se fissurer, a laissé place à un ravin il y a environ 2 mois. Dans un court laps de temps, ce ravin a déjà une longueur de plus de 100 mètres, une profondeur d'une dizaine de mètres. Sa largeur varie entre 5 et 7 mètres. Les dégâts sont déjà énormes selon Iwachu. Suite à l'écroulement de maisons d'habitation, beaucoup de personnes ont déjà fui le quartier. Des travaux d'urgence s'imposent pour éviter le pire. Demain sera tard, vu l'allure d'agrandissement du ravin. Revue de la presse. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida donne des numéros verts pour alerter en cas de suspicion d'Ebola. C'est repris par l'ABP, Agence burundaise de presse. En cas de suspicion d'une personne qui présente certains des symptômes d'Ebola, il faut appeler au 109, au 113 ou 117 selon le ministère qui, tout de même, rassure que la maladie n'est pas signalée au Burundi. Cependant, elle a déjà fait plusieurs victimes en République démocratique du Congo, pays voisin. 20 districts sanitaires du Burundi frontaliers avec la RD Congo sont prioritaires dans la sensibilisation pour la prévention de cette maladie, dont le taux de mortalité est de 90%, donc très élevé. Le magazine Burundi Echo parle du lac Tanganyika, qui regorge de richesses dont il faudrait prendre soin à tout prix. C'est un écosystème exceptionnellement riche et intéressant. Ses eaux représentent près de 20% de l'eau douce disponible sur la Terre. Sa faune et sa flore sont diversifiées. Plus de 2000 espèces animales et végétales. Malheureusement, aujourd'hui, le lac se meurt, de plus en plus pollué et exploité en dépit du bon sens. Et c'est l'action de l'homme. On y pêche, on s'y lave, il lave le linge. Pire encore, le lac sert de lieu d'aisance, déplore le magazine. Le journal Iwachu revient pour écrire sur une maladie appelée vaginisme. Quand le corps dit non, c'est un trouble sexuel féminin, majoritairement psychologique, qui pourrit la vie de certaines femmes. Si mignonne, c'est un pseudonyme, a beau avoir trouvé le mari de ses rêves, passer 10 ans sans rapport sexuel est le pire cauchemar de sa vie. Frôlant la quarantaine, elle vient de totaliser 10 ans de mariage sans enfant. Depuis sa nuit de noces, aucun rapport sexuel n'est réussi. La pénétration est impossible. Elle a consulté plusieurs médecins qui lui disent que tout est normal. C'est après avoir consulté un psychologue que la racine du problème a été découverte. Mignonne a subi un abus sexuel dans son enfance. Elle a développé un traumatisme qui repousse tout contact sexuel avec un homme. Après avoir subi un traitement psychologique, Mignonne retrouve la joie de vivre, écrit Iwachu. Elle est enceinte de son premier enfant. Un gynécologue cité par Iwachu indique que le vaginisme est un dysfonctionnement sexuel qui se traduit par une contraction involontaire des muscles autour du vagin qui empêche toute pénétration. Il compare ce phénomène avec le clignement de l'œil à la pénétration du moucheron. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Jean-Bosco Nduimana et Léon Sevitaliho. Excellent week-end à tous. Au revoir. Revue de la presse.